Thank you. Expérimenté. Bah toi, ou je n'ai même pas m'entendre. Parce que là, tu m'entends? Je peux pas écrire, je peux même pas écrire. Ah si, putain, ça met 3 heures. Ça, j'ai écrit. Pourquoi j'ai écrit ça il y a une minute? Yeah. serveur ça marche. Je t'ai essayé sur un serveur, ça marche. Et puis là, tu le passes. Je pense pas que ça vienne de mon mystère.